الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Chers auditeurs, nous continuons ensemble la lecture et l'explication de hadith sur la croyance et le suivi réunis par l'éminent Cheikh Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali حفظه الله تعالى dans son livre intitulé Mudhakkiratul Hadith al-Nabawi fi al-Aqidati wal-Ittiba'. Nous allons voir aujourd'hui le 16e hadith qui concerne le mérite de la science prophétique, c'est-à-dire de la science et de la bonne voie avec lesquelles est venu le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur, hafidhahullah ta'ala, a mentionné à ce sujet un hadith rapporté par Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, Abdullah ibn Qais, qui est un noble compagnon qui avait émigré vers la Mecque, puis ensuite qui a participé à la première émigration vers Al-Habasha, puis vers Al-Médina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé dans une partie du Yémen, et c'était un compagnon connu pour son courage, sa science et sa mise en pratique de cette science. Lorsque Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu était calife, il lui avait confié la gouvernance d'Al-Kufa et d'Al-Basra, et Abu Musa radiyallahu anhu a participé à la conquête de nombreuses contrées, et il est mort en an 50 de l'Hégire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée et soit satisfait de lui. Il rapporte donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « مَثَلُ مَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ » L'exemple de la bonne voie et de la science avec lesquelles Allah m'a envoyé. « كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ » est semblable à celui d'une pluie abondante. « أَصَابَ أَرْضًا » qui tombe sur une terre. « فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَا فَأَنْبَتَتَ الْكَلَأَ وَالْعُجْبَ الْكَثِيرِ » Une partie de celle-ci est bonne, c'est-à-dire une partie de cette terre est bonne, absorbe l'eau et produit alors de nombreuses plantes et de l'herbe en abondance. « وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِيبُ » Et une partie d'elle contient des parties arides, « أَمْسَكَتِ الْمَا » qui retiennent l'eau. « فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسِ فَشَارِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا » Allah en fait alors profiter aux gens qui en boivent, en abreuvent, c'est-à-dire leur bétail, et s'en servent pour cultiver. Donc ceci est la première terre qui est de deux sortes. Une partie bonne qui absorbe l'eau et produit de nombreuses plantes, et une autre qui n'absorbe pas d'eau et ne produit pas de plantes, mais qui retient l'eau, et cette eau profite aux autres. Ensuite il dit, sallallahu alayhi wa sallam, وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى Et la pluie atteint aussi une autre partie, إِنَّمَا هِيَ قِعَانَ qui n'est composée que de plaines, de terre plate. لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً Elle ne retient pas l'eau et ne produit aucune plante. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِيَ فِي دِينِ اللَّهِ Tel est l'exemple de celui qui s'instruit au sujet de la religion d'Allah. وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ Et à qui profite ce avec quoi Allah m'a envoyé. فَعَلِمَ وَعَلَّمَ Il a donc appris à enseigner. وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسَا Et l'exemple de celui qui n'y accorde aucune attention. وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ Et n'accepte pas la bonne voie avec laquelle j'ai été envoyé. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah ta'ala. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam compare la religion avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à une pluie abondante qui tombe sur toute contrée lorsque les gens l'attendent et en ont besoin. Tous ceux qui ont connu des périodes de sécheresse savent à quel point les gens désirent la tombée de la pluie et l'attendent. Et telle était la situation des gens avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que de la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait revivre la terre morte par la tombée de la pluie, il fait également vivre les cœurs qui étaient morts par la descente de la révélation. Il dit à ce sujet dans son noble livre, « Awaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. » Est-ce que celui qui était mort, celui qui avant l'islam, avant d'être guidé à cette religion, était mort, était dans l'obscurité de la mécréance, dans l'obscurité de l'ignorance et des péchés, et que nous avons ramené à la vie, c'est-à-dire que nous l'avons guidé par la lumière de la foi, de la science et de l'obéissance à Allah, et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens. Est-ce que celui-ci est semblable à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? L'imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, a rapporté une parole dans le tafsir de ce verset, mentionnant que le sens de ce verset est que celui qui était mécréant et qu'Allah a rendu musulman et lui a accordé une lumière par laquelle il marche parmi les gens, c'est-à-dire la lumière de l'islam, alors ce dernier n'est pas comme celui qui est plongé dans l'obscurité, c'est-à-dire plongé dans le polythéisme et la mécréance, et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous en préserver. Donc, cette lumière par laquelle le serviteur avance est la lumière de la révélation, la lumière du Coran et de la Sunna, la lumière de la science profitable, tandis que l'obscurité, en question dans le verset, est l'obscurité de l'ignorance, l'obscurité de la mécréance, l'obscurité de l'égarement et du polythéisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé ceux qui reçoivent et entendent ce avec quoi il est venu comme science à différentes terres sur lesquelles tombe la pluie. La première catégorie de personnes, ce sont ceux qui savent, qui ont la science, qui la mettent en pratique et qui l'enseignent. C'est la plus haute des catégories. Et ceux-là sont semblables à cette bonne terre qui absorbe l'eau de la pluie, qui en profite elle-même et qui produit des plantes, de l'herbe, des végétaux dont les gens vont profiter. Donc elle est utile pour elle-même et utile pour les autres. La deuxième catégorie est celle de ceux qui réunissent la science, qui font des efforts dans son acquisition, mais qui ne mettent pas en pratique les choses surérogatoires, c'est-à-dire qu'ils accomplissent leurs obligations, mais ils ne mettent pas en pratique ce qui est surérogatoire parmi cette science. Ou alors, le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala nous dit, cela concerne celui qui réunit la science, qui fait des efforts dans son acquisition, mais qui ne comprend pas ce qu'il réunit. Il a appris sans comprendre, puis il a transmis à autre que lui. Donc il est semblable à cette terre aride qui ne produit pas de plantes, mais sur laquelle l'eau est stockée. Et les gens viennent profiter de cette eau. Et c'est à celui-ci que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion dans un autre hadith lorsqu'il a dit qu'Allah illumine un homme qui a entendu ma parole, l'a retenue et l'a transmise comme il l'a entendue. Il se peut que ce dernier ne l'ait pas comprise, mais il l'a transmet comme il l'a apprise. Et il est ainsi utile pour autre que lui. La troisième catégorie, qui est la catégorie la plus vile, c'est ceux à qui parvient la science, mais ils ne l'apprennent pas, ils ne la mémorisent pas, ils ne la mettent pas en pratique, et ils ne la transmettent pas à autrui. Et ceux-là, ils sont comparables à une plaine qui ne retient pas l'eau et qui ne produit aucune plante. Ou pire encore, qui, lorsque l'eau la traverse, celle-ci est corrompue et altérée. Ils ne sont ni utiles pour eux-mêmes, ni utiles à autrui. Donc vous voyez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans cet exemple qu'il a donné, il a réuni les deux premiers groupes ensemble, car ce sont ceux qui sont loués, étant donné qu'ils sont profitables. Et il a mentionné le troisième groupe de manière isolée, car celui-ci est blâmé, car il ne profite ni à lui-même ni à autrui. Donc ceci nous encourage à faire des efforts dans l'acquisition de la science prophétique et dans sa mise en pratique. Car la science n'est pas une finalité en soi, mais la finalité est que tu mettes en pratique cette science. Et si tu agis de cette manière, alors sache que tu seras élevé par Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit dans son noble livre. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله élève en degré ceux d'entre vous qui ont eu la foi et ceux qui ont reçu le savoir. L'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala a dit dans le tafsir de ce verset, Allah élève les gens de science et les gens de la foi en degré en fonction de ce qu'il leur a particulièrement accordé comme science et comme foi. C'est-à-dire que plus la personne aura la foi élevée et plus elle aura une science abondante qu'elle veillera bien sûr à mettre en pratique, plus elle sera élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi dans son noble livre, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ils ne sont pas égaux. Le savant n'est pas semblable à l'ignorant. Ils ne sont pas de même degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette science, comme on a dit, il ne suffit pas de faire des efforts dans son acquisition. Ce n'est pas cela la finalité. Mais ce qui est attendu de toi est que tu mettes en pratique cette science, puis que tu y invites les gens. Que tu invites les gens à cette science. Que tu invites les gens à cette religion. Chacun en fonction de ses capacités. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah? Ceci fait partie des plus belles paroles qui puissent être prononcées par l'homme. Qu'il appelle à Allah, qu'il appelle à la religion d'Allah, qu'il appelle au suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci fait partie des plus belles paroles. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala souligne un point très important dans ce verset. Il dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah tout en faisant des œuvres pieuses. Alors qu'il fait des œuvres pieuses, des œuvres sincères pour Allah et conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne se contente pas d'apprendre et de transmettre, non, il ne saute pas les étapes. Il apprend tout d'abord pour dissiper son ignorance et pour pouvoir se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala par la mise en pratique de cette science. Puis ensuite, il transmet cette science à autre que lui. Donc chacun d'entre nous doit faire des efforts et veiller à faire partie de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans la première catégorie. Ceux qui ont acquis cette science prophétique, ceux qui ont reçu cette lumière avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala illumine les cœurs et les fait vivre d'une vraie vie. Car la vraie vie et la bonne vie ne peut être goûtée et on ne peut en profiter que par la connaissance de la science prophétique, la science profitable et la bonne voie avec lesquelles est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et prends garde à ne pas faire partie de la troisième catégorie de personnes. Ceux qui ont rejeté cet appel et cette science, ceux qui l'ont entendu mais ne l'ont pas accepté, ceux qui n'y ont accordé aucune attention et s'en sont détournés, wal'ayadu billah. Donc on tire comme bénéfice de ce hadith, premièrement, l'immensité et l'importance de ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme science et comme bonne voie. Et ceci comprend le Coran et la Sunnah, ainsi que leurs effets sur la vie des gens et des sociétés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé cela à une pluie bénéfique, car Allah subhanahu wa ta'ala fait vivre les cœurs par cette science de la même manière qu'il fait revivre une terre morte par la pluie. Et plus tu feras des efforts dans l'acquisition de cette science et dans l'instruction en religion, plus ton cœur sera vivant et plus ceci fera monter ta foi, bi'idhnillahi ta'ala. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce hadith est que les gens sont de différents degrés et ils ne sont pas tous apprêtés de la même manière à accepter ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Certains parmi eux l'acceptent facilement, apprennent cette science, veillent à la comprendre et à la mettre en pratique. Puis ensuite, ils font des efforts pour la transmettre parmi les gens. D'autres l'apprennent mais ne la comprennent pas ou manquent d'efforts dans sa mise en pratique. Et d'autres rejette cette science, n'y prête pas attention, ne font aucun effort pour acquérir la science, et s'ils la connaissent, il se peut qu'ils ne la mettent pas en pratique, wallahu musta'an. Donc ce hadith, il nous encourage à faire des efforts dans l'apprentissage de la science, à faire des efforts dans la mise en pratique de cette science, et à faire des efforts dans la diffusion de cette science, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse vivre les cœurs par cette science profitable qui est l'héritage laissé par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit à travers cela également le mérite de la science, de son enseignement et de sa diffusion parmi les gens. Car celui qui a appris, qui a mis en pratique et qui a diffusé la science, il a réuni entre le fait d'être utile à lui-même et d'être utile aux autres parmi les gens. C'est pour cela qu'il a un grand mérite. Et chacun d'entre nous a les capacités d'atteindre cet objectif et se rendre bi'idhnillahi ta'ala, à condition de ne pas se détourner et de ne pas se laisser prendre par la paresse, l'oisiveté et autres parmi les passions, les désirs et les choses qui pourraient nous détourner de cette voie et de ce chemin. Enfin, le troisième bénéfice que l'on tire de ce hadith est le danger du fait de se détourner de ce avec quoi est venu le messager sallallahu alayhi wa sallam. La gravité de se détourner du Coran et de la Sunnah. La gravité de se détourner de l'apprentissage de cette religion. La gravité de se détourner de l'acquisition de la science profitable et de sa mise en pratique. Tout ceci fait partie des choses les plus basses et les plus viles. Et c'est pour cela que celui dont elle est la description est au niveau le plus bas et le plus méprisable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on demande à Allah de nous en préserver. La vie des cœurs et la réforme de la communauté ne peut avoir lieu que par l'acceptation de cette science et sa mise en pratique. Donc chacun d'entre nous doit faire des efforts pour acquérir cette science, s'instruire en religion, chercher à comprendre sa religion et à la mettre en pratique comme il se doit, puis à la diffuser parmi les gens et à ne pas s'en détourner. On a donc terminé avec ce hadith. Walhamdulillahi rabbil alamin.